Chapitre 4. En sortant de chez le général de Mayo, Ikuteruka était perplexe. Les quelques renseignements que lui avait donnés le vieillard lui faisaient croire que ce dernier, aveuglé par son amour paternel, s'abusait sur l'innocence de son fils. Car tout semblait bien prouver que Joachim de Mayo était coupable. Ikuteruka, qui était déjà venu à Macao, connaissait parfaitement la ville. Il se dirigea vers le port, qu'il atteignit en quelques minutes. Un douanier qui l'interrogea lui désigna l'endroit où avait été accostée la jonque disparue, celle qui transportait les 750 000 piastres. Ce douanier était justement de garde pendant la nuit fatale. Plusieurs fois déjà, la justice l'avait interrogé. Ikuteruka lui ayant parlé de la Santa Madre, c'était le nom de la jonque, il ne fit aucune difficulté pour s'expliquer. « Ah, seigneur, dit-il, vous aussi, vous voulez savoir ce qui est arrivé à la Santa Madre. Mais le diable seul pourrait vous renseigner. » Cette nuit-là, une véritable tornade soufflait. La pluie tombait par seaux, on eût dit que c'était le déluge. Moi, je me trouvais ici de garde. La jonque, une jonque à deux mâts, était accostée là, le long de ce quai, à 50 mètres de ma guérite, à peine. Naturellement, je ne savais pas ce que j'ai su après, qu'il y avait une fortune à bord, abritée dans la guérite, que le vent secoue à tel point que je me demandais s'il n'allait pas la renverser. Je regardais de temps en temps le quai balayé par la pluie. Un beau temps pour faire de la contrebande, mais personne ne passait. Un peu avant le jour, la tornade s'apaisa. Je sortis de ma cabane. La jonque n'était plus là. Je pensais qu'elle avait appareillé, quoique, pour partir avec un temps pareil, il fallait bien y être forcé. Mais ce n'était pas mes affaires à moi. Et voilà. Dans la matinée, j'appris la fuite de M. de Mayo, l'assassinat d'Afo. L'on m'interrogea. Je répondis ce que je viens de vous répondre. Moi, qui devais passer caporal. On m'a accusé de négligence, et j'attendrai mon avancement un an de plus. Enfin, c'est la vie. Oui, c'est la vie, répéta Ikuteruka, qui, ayant remercié le douanier, s'éloigna sans faire d'observation. Par un passant, il se fit indiquer la maison de jeu de Feu Afo. Elle était située, comme presque toutes les autres, dans la rue da Felicidade. Comme il était à peine 4 heures de l'après-midi, Ikuteruka décida d'attendre le soir pour s'y rendre. Pour passer le temps, il alla faire un tour du côté de l'ancienne habitation de Joachim de Mayo, laquelle, après la disparition de ce dernier, avait été vendue aux enchères à un Chinois. C'était une petite maison basse, entourée d'un jardin qui avait dû être beau. Mais le nouveau propriétaire y avait fait construire des cabanes de bois dans lesquelles des ouvriers chinois se livraient à de menus travaux. Ikuteruka, qui avait l'apparence d'un touriste bien tranquille, interrogea les voisins, mais n'apprit rien de bien intéressant. Certes, tout le monde avait connu le seigneur Joachim de Mayo, mais personne ne doutait de sa culpabilité. Ikuteruka essaya de savoir s'il avait des amis. Hélas, personne ne voulait plus avoir été l'ami d'un voleur en fuite. « Je ne saurai rien ici, » pensa le grand détective, qui s'éloigna sans insister. Il passa le restant de sa journée à se promener à travers les rues tortueuses de Macao. Ayant dîné dans un bon restaurant, il se dirigea vers la Rua de Felicidade, rue du Bonheur, où se trouvait la maison de jeu ayant appartenu à Afo. Deux robustes mandchous, armés de gourdins, se tenaient devant la porte, au-dessous d'une grosse lanterne de papier rouge qui leur donnait un aspect sinistre. Ils s'écartèrent sans mot dire pour laisser passer Ikuteruka.